Je crois que personne à la salle n'a jamais osé percevoir le QSI. Les fesses. L'objet honni, banni, malsacré. Forcément. Le cul, c'est quiche. Et c'est pas sérieux. Tant mieux. Le sérieux, c'est l'espace du phare, du mensonge. Comment peut-on être sérieux quand on flirte avec le gouffre, l'urgence? Et moi, qu'il n'y a que ça qui m'intéresse, qui m'a toujours intéressé. Le cul, le style. Tout est là. Le commencement, le siège, le fondement. Au commencement était le cul, dit notre ami Cala Ferté. Et ça se maquille pas, ajoute-t-il. Il a raison. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui je me sens moins coupable de m'apesantir sur le cul. Car j'ai compris que c'est la passion, l'intérêt que je porte, que j'ai nécessité de porter aux causes, aux origines, aux fondements qui m'y poussent. Alors le cul. Enfin bref, il y a un film qui fait penser à pas mal de choses. Un film que j'aime bien, un film de François Truffaut. L'homme qui aimait les femmes. Et quand ce mec, j'adore cet acteur, je sais plus son nom, le vois plus tellement. Quand il parle des jambes des femmes, je m'y sens tout à fait. Pas au milieu, pas accroupi, mais dans chaque mot. Sauf qu'à la place, il faudrait mettre les fesses. Le cul. Et puis le cul, c'est plus riche, c'est plus profond. C'est l'antre du diable, de Dieu. Le champ de bataille du repos. Le morceau que se dispute de tout temps l'empire des ténèbres et l'empire des lumières. Le cul, c'est le passage vers le vide, vers la connaissance, l'imagination, l'accès au réel, le point zéro limite, l'extrême bord, l'ambic des limbes, la corne du taureau. Le cul, c'est les prémices, le bouton, la rosée du petit matin, le chavirement de la nuit du jour, le fil de l'équilibriste, le point de convergence entre le pinceau et la toile, l'archer, le violon, l'esprit, la matière, la fumée et la merde. Le cul, c'est le lieu du brassage des langues. C'est l'espéranto, c'est l'agnus dei et l'agnus castus. C'est l'unité primordiale. C'est le lien entre l'au-delà et l'ici de la fiction sociale. C'est là même où s'origine le manifesté, la vie et tous les possibles. Le cul, c'est tout à la fois le vaisseau, le balcon et le lit du poète. Ah, le cul. Quand ça bouge, c'est l'univers qui s'éveille. C'est la puissance du réel qui s'exprime, se déploie. C'est la vérité en marche. La cinglante vérité. Un cul, ça ne ment pas. Tout y est écrit et se décline à l'infini. La première fois que j'ai vu un cul, un vrai, un cul de femme, j'étais gamin en vacances, en Afrique je crois ou je ne sais plus, mais de toute manière en Afrique. Le lieu des origines par excellence. J'avais ma chambre qui donnait sur une arrière-cour, bornée par une haie d'hibiscus, ajourée par endroits. Et voilà qu'un matin, je me réveille bien plus tôt que d'habitude, et je me mets à faire quelques pas dans la cour. Attiré par un bruit, mon regard a sauté. Et qu'est-ce que je vois ? Seigneur, une vision d'enfer, ça m'a damné à tout jamais. ce spectacle. Une déesse prenait son bain au royaume de Satan, en toute simplicité. J'ai regardé, plié, au bord de la syncope du gouffre. Elle était grande, noire, soyeuse et veloutée, mince à l'assaut, qui se penchait, se recourbait, et vers un seau s'accroupissait et s'annulait, dans une écharpe de vapeur qui montait vers les cieux, tandis que sa fine musculature roulait sous les bulles de savon. Et quand j'ai vu jaillir ce cul, ce champ, un cul puissant, ample, un cul hautain, cambré, ferme, un cul volontaire, qui déferlait, claquait, semblant dominer le monde et surplomber toute chose, et qui s'ouvrait tel un immense gâteau au-dessus du ciel blanc. Je suis parti à la renverse, tremblotant, et j'ai bredouillé. Mon Dieu, pardonne-moi parce que j'ai péché. Faut dire que je le tutoie dans ces cas-là. Mais le mal était fait. À tout jamais là, inscrit au plus profond. Ce cul, je l'ai vu et revu. Je me suis abîmé et ouvert les yeux dessus. Et souvent, très souvent, je l'ai croisé au lit dans la rue. Impénétrable et toujours fascinant. Cette voilure au vent, cet éventail aux mille secrets, cette roue des dieux, sillon du monde, Éden de soufre. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est cette enivrante puissance qui s'en dégage. Une architecture et une puissance que j'ai retrouvée chez les chevaux. Oh merde, c'est beau les chevaux. Une barque sur une crête. Et chez la femme, il y a toujours ceci en filigrane. Cette puissance que comprime les fesses, ce vide renversant, ce désordre du commencement du monde. Enfin bref, le cul, c'est tout ça. Et cette première image m'est restée ainsi. Et longtemps, j'ai observé les femmes dans la rue, chez elles, à la terrasse, des heures ailleurs et ailleurs encore, toujours de près, de loin, d'en haut, d'en bas. Des femmes, des filles, des jeunes, des moins jeunes, des belles, des pas belles, mais toujours des culs. Des culs. Des ruis de cul. Et partout. Sur le sol, dans la pierre, dans la boue, sur les vitres, sur le sable et les nuages, sur toutes les surfaces et les murs. Ces angles de murs et ces parois de murs qui soudain se mettent à bouger, frémissent, se déploient, s'arrondissent, s'épanouissent, comme l'air d'une diva. Corolle immense de ce pays couchiste, surgissant à l'ombre des parasols, comme ces monstres préhistoriques d'un lac victorien. Ces culs qui se rassemblent sans se ressembler. Chaque cul a sa personnalité, son empreinte. Et je m'y retrouvais. Et je m'y reconnaissais. Je savais les nommer. Je savais les épouser. Et les yeux fermés. Un cul, ça parle. Livre ouvert. Ça chante. Même avec une tonne de vêtements. Les gens se cassent la tête à lire les lignes de la main. Du visage, du regard. Alors que le plus bel oracle reste le cul. Moi, vous me donnez un cul. Et c'est pas de la frime. Je vous ouvre le monde. C'est tellement riche. Et puis c'est profond. C'est rien de le dire. Plusieurs vies ne suffiraient pas. Tenez. Il y a 2 ou 3 ans, Je me sentais soulagé, dégagé de cette obsession, de cet intérêt pour le cul. Je croyais en avoir fait le tour. Plus rien à tirer de ce côté, avoir dépassé le niveau. Tu parles. Au moment où je commençais à en causer avec un air supérieur, avec une sorte de détachement nostalgique, ça m'est revenu comme un boomerang, avec une nouvelle charge de batterie vide. Comme quoi je n'en étais toujours qu'au seuil, au balbutiement. Mais faut savoir être humble. J'ai compris la leçon. Je me suis donc remis à observer les femmes, les culs. J'adore observer les femmes. Je les aime, pourquoi s'en cacher? Faut dire qu'elles m'intriguent. Et au-delà d'elles-mêmes. Je suis persuadé qu'elles possèdent la réponse sans le savoir. Je veux dire que la réponse à la question se situe et ne peut que se trouver là. Dans cette faille. Dans cet écart. Dans ce tourbillon, ce mouvement, ce bain des couleurs, ce télescopage des droites, des courbes et des replis. Yes. Alors, je les observe. Je prends connaissance, car tout est dans le con et de loin. De près, je ne peux pas, je m'y perds, je vois rien, elle me brouille les idées. Alors, je me plante à la terrasse, à ma fenêtre. Je les regarde passer, marcher, évoluer, parler, discuter. Que se disent-elles? Mais que se disent-elles donc? Ont-elles conscience de leur cul? De cette puissance? Parlent-elles de leur cul? Tout cela, je pourrais le savoir. Je le sais, mais je ne veux pas. Je ne veux pas les comprendre. Je les comprends, mais je ne veux pas. Car ce que je comprends me prive de l'essentiel. Ces rases mots de petit niveau. C'est limitatif, ça me borne. Non, je vais plus loin. Je m'en relâche. C'est-à-dire que j'écoute, je m'ouvre, je crée, je m'imbibe. Je me laisse traverser chat, submergé, transparence. Car tout est là, dans le fond. Alors je les observe, tous ces culs. Qui bouge, attise, respire, transpire. Et moi, en retour, je les respire. Je les hume à foin. Narine palpitante. De près, de loin. De loin, elles ajoutent à ma réflexion, à mes pensées. De près, elles me frisent les sens et l'émotion. Je ne sais plus. Mais d'une façon ou d'une autre, je les aime. À crever. Me rendre malade de désir. À cause du cul. Mais pas obligé de fourrer ses doigts dessus. Un cul, ça se tient et tout seul. Ça se comprend à la folie. Ça se refuse beaucoup. Mais c'est tout simple. Pour qui sait embrasser le réel. C'est le prélude à l'au-delà. Pas au sens chrétien Tegenein, non, l'au-delà, l'autre côté du mur de la frontière, le No Man's Land. Pas pour rien que les mythes, les religions et autres écritures de la peur ont cloué et continuent à clouer la femme et le cul au pilori. Car à travers le cul, la femme porte d'une manière probante la trace du vide. Du trou noir, l'élan vers la liberté, vers la nuit des origines, vers cet incompréhensible, cet éternel inconnu, source de toute angoisse et de l'effroi archaïque. Mémoire d'outre-tombe, empreinte du diable, le cul est naturellement devenu une figure de l'altérité, de l'insoumission, du désordre, mais aussi de l'abandon, de la délivrance et de la créativité. et rebelle il est. Le cul, c'est l'ultime bastion contre l'impérialisme identitaire. C'est l'autre. C'est la différence contre la sacro-sainte identification. Cette identification qui s'empare de l'homme dès sa naissance. Cette identification rebattue jusqu'à la transparence, la mort. Cette identification dont la principale vertu est de reconnaître, de limiter, d'emballer, d'amputer, de classer, d'exclure, de laminer, d'anéantir mon double, mon semblable, mon même, le même, rouleau compresseur. Mais le cul, c'est l'anti-miroir. Contre le vulgaire, la raison et la purée identitaire. Et si le cul a bercé toutes les âmes, la mienne y compris, échoué celle du joueur, du poète et de l'artiste, et celle de l'aventurier, du fou et de l'enfant, il a sûrement renaclé devant celle du dictateur et de l'aveugle. Me promenant hier matin, j'ai croisé une jeune fille dans la rue. J'ai naturellement regardé son cul. Une femme plus âgée a attiré mon attention de l'autre côté. J'ai fait de même. Troublé, je me suis retourné et j'ai compris. La jeune fille a traversé la rue et a rejoint la femme. Elles se sont donné la main. C'était la mère et la fille. Puis le père, la mère et la fille. Puis la mère, la fille et la mère, la fille et la mère, la fille et la mère. De tout temps. Des vagues.